Les nuits de France Culture, nuit racine, deuxième nuit consacrée à l'auteur, entre autres, de Bérénice et Britannicus, tragédie que nous avons pu entendre lors de la première nuit. L'auteur de Phèdre, la Phèdre que nous avons écoutée cette nuit était celle de la compagnie de Maribel, diffusée sur France 3 Nationale en 1947, et à l'instant, une version très libre dans les Décraqués de Bertrand Jérôme. En tout début de nuit, nous avons rencontré deux avocats, maître Mathilde Joanneau et maître Basile Adair, qui ont bien voulu imaginer un spectacle à monter, à interpréter, à mettre en scène, non pas une tragédie de Racine, mais bien la comédie du même Racine, Les Plaideurs. Mathilde Joanneau et Basile Adair ne se contentent pas d'être avocats, ils sont aussi comédiens, et se frotter aux plaideurs est un projet séduisant. Alors cette pièce, du reste, Les Plaideurs, nous l'écouterons dans une demi-heure environ, une version radiophonique de la comédie française, avec entre autres Denis Dinès, Jacques Charon, Jean Meyer, Denise Jans et Jeanne Moreau. Première diffusion en décembre 1949. Mais avant cela, eh bien, bonsoir Alain Arnaud. Bonsoir. Alors avant cela, et grâce à vous, qui êtes le président de l'association Jean Racine et son terroir, vous qui êtes responsable culturel du musée Jean Racine à La Ferté-Milon, eh bien nous allons nous replonger dans l'enfance du futur dramaturge et poète. Alors il faut dire quand même quelque chose, c'est que si l'on visite la maison de Tante Léonie à Illiers, eh bien on se dit, tiens, le petit Marcel Proust y passait ses vacances et l'on retrouve Combray. Si l'on va à Saint-Malo ou dans la Bretagne environnante, on se dit, ah, Chateaubriand a décrit, a parlé beaucoup des lieux, des maisons. Et puis Nerval ailleurs, et puis tant d'autres écrivains. Mais alors, dans le cas de Jean Racine, à La Ferté-Milon, on n'en trouve pas vraiment Britannicus, Titus, Phèdre et d'autres personnages, Alain Arnaud. Alors comment faire en sorte que, à La Ferté-Milon, dans le musée Jean Racine, on se dise, il est là? Eh bien, d'abord, bienvenue dans ce musée, parce que c'est un musée qui n'est pas très grand, mais qui a l'authenticité d'être installé dans une maison où il a passé toute son enfance. Il était né à La Ferté-Milon, comme vous le savez, en décembre 1639, et en fait, il est devenu orphelin à l'âge de 3 ans. Donc il a été recueilli par sa grand-mère, qui habitait ici, et il y est resté toute sa prime enfance, on va dire, puisqu'il a quitté, il avait entre 10 et 11 ans, lorsqu'il est parti pour Port-Royal, au moment de la Fronde. Donc, Racine ici, c'est l'enfant du pays. C'est pas du tout l'historiographe du roi, c'est pas du tout l'académicien, c'est pas du tout le dramaturge. Mais, au contraire, on a avec lui, ici, les habitants de La Ferté-Milon, ont une fibre racinienne presque innée. Parce que ça fait quand même plus de 350 ans qu'il les hante. Et ça fait partie de la signature, de la carte de visite de la ville. Pour vous donner une petite idée, lorsqu'on va à la mairie de La Ferté-Milon, qui est ici à 200 mètres, vous avez l'habitude, sur une façade de mairie, de voir un buste de Marianne. Là, il y a bien un buste, mais c'est celui de Racine. Je ne sais pas si vous voyez un peu le symbole que ça peut représenter. La ville elle-même se met sous le parapluie, sous l'égide de Racine lui-même. Oui, mais c'est ça c'est les Milonnais qui pensent à Jean Racine. Mais Jean Racine lui-même, dans son œuvre, dans sa création de dramaturge, que reste-t-il de La Ferté-Milon? Alors, pas grand-chose, sauf tous ses souvenirs de famille dont il ne parle pas, ou très peu. Mais malgré tout, lorsqu'il est devenu orphelin, il avait déjà une petite sœur, puisque c'est à l'occasion de la naissance de la sœur que sa mère est décédée. Et la sœur est restée ici, elle habitait à quelques dizaines de mètres d'ici, et elle n'a jamais quitté La Ferté-Milon. Donc elle a été un peu, avec le recul bien sûr, la représentante de son frère. Une chose curieuse, c'est par exemple qu'elle n'a jamais assisté à une tragédie de son frère. Parce que les relations étaient différentes, parce que La Ferté-Milon-Paris, c'est déjà une distance, et quand on est à Paris, on ne revient pas, comme aujourd'hui, en une heure de voiture. La présence de Racine, elle est plutôt dans le souvenir, dans l'anecdote, dans la recherche des lieux qu'il a fréquentés. Vous vous rendez compte que on sait quand il a été baptisé, parce que nous possédons ici au musée le registre de baptême authentique, avec la signature du parrain, de la marraine, du curé, de tout ce qu'on veut, et des parents. Et en fait, on ne sait pas où il est né. On ne sait pas quand il est né. Baptisé le 22 décembre. Alors, la règle, dans l'ancien temps, c'était baptiser aussi vite que possible. Mais ça peut être un jour, deux jours, trois jours. Et dans les différentes biographies de Racine, vous avez toutes les affirmations possibles, presque sur une semaine. Donc, même ça, vous voyez, alors ça, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas le lieu non plus. Parce que la maison supposée a disparu au XIXe siècle, qui était la maison de ses grands-parents. Et en fait, il n'a pas, ça n'a pas laissé de traces du tout. Donc, vous voyez, on est face à un génie de l'humanité, quelque part, à une figure monumentale, et on manque d'éléments aussi fondamentaux que ça. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'il est parti à Paris, enfin à Versailles, etc., toute sa carrière, à Port-Royal, il est resté en relation avec sa sœur. Il y a des échanges de correspondance assez connus d'ailleurs. C'est-à-dire que la trace de l'affaire Thémilon, on la trouve plus dans la correspondance, évidemment, oui, qu'on la trouve, et on ne la trouve pas dans les tragédies. Mais on va la trouver, par exemple, dans un endroit où on ne l'attend pas, dans son testament. Lorsqu'il se croit malade, il a fait deux testaments, et dans le premier, qui est exposé, enfin dont la copie est exposée au musée, il dit « Je souhaite que l'on n'oublie pas ma chère nourrice, qui s'appelait Marguerite, et qui était dans un village à côté, à quelques kilomètres d'ici, grâce à qui je dois d'être ce que je suis, d'avoir resté en bonne santé, etc. » Donc, vous voyez, malgré les heures de Versailles ou de ses succès divers, il n'a pas oublié ses tout débuts. Parce qu'il sait en fait, et c'est un des problèmes de Racine, il sait qu'il est issu de rien, un orphelin, dans une petite ville, avec des parents qu'il n'a pas connus, avec des grands-parents qui s'occupaient du grenier à sel, mais pas tellement du reste. Sa grand-mère l'a éduqué ici, avec l'instituteur dont on connaît le nom, avec le curé de l'église qui est là juste à côté, où il a appris à lire le latin, à versifier, il a découvert Virgile, il a découvert pas seulement le latin de messe ou de liturgie, mais également les premiers poètes classiques. C'est quand même ici qu'il a sucé tout ça. Vous voyez ? Et donc pour nous, c'est très émouvant, parce que ce sont les tout débuts. Et je vais vous donner un exemple. L'an dernier, nous avions fait une exposition sur les débuts, sur ses études, sa formation. Bon, on a cherché, on a trouvé un certain nombre d'éléments comme ça. Et on s'est rendu compte qu'à Chantilly, au château de Chantilly, enfin dans la bibliothèque, il possède des ouvrages de ses toutes premières années, donc dès qu'il est arrivé à Port-Royal. Et ce sont des ouvrages qui sont signés Racine, qui sont signés Lancelot, qui sont signés, etc. Et avec des remarques à lui, des textes grecs annotés par lui. Et il avait 12 ans. Donc vous voyez, on arrive quand même à progresser, non pas à tout savoir, parce que personne, on ne peut pas faire de reportage là-dessus. Et d'un autre côté, il est, on le retrouve déjà. On est passé pas loin d'une rue qui s'appelle la rue des Rats, qui est proche de ce musée Jean Racine, Alain Arnaud. Est-ce qu'il n'y a pas une invention d'armoirie un peu loufoque, rat et cygne? Tout à fait. Alors ça, c'est déjà un petit peu postérieur. Il avait un grand-père maternel qui était un haut fonctionnaire. Il avait été premier magistrat de la ville. Il était procureur du roi auprès de la maîtrise des eaux et forêts du Valois, donc quelque chose de très très important au XVIIe siècle, ça pouvait lui donner... Le grand-père se voulait un peu noble, enfin rien d'extraordinaire, et par contre, lui n'avait rien. Et la première fois qu'il est paru dans le monde, dans le grand monde, la question ne se posait pas, tant qu'il était, je dirais, à un niveau modeste. Lorsqu'il s'est pointé à Versailles la première fois, on lui a demandé ses armoiries. Hein? De quel droit ? Pour entrer à Versailles, il faut avoir montré ses quartiers de noblesse. Bon. Alors, il s'est souvenu que son grand-père avait, dit-il, dans un courrier d'ailleurs, il dit « Mon grand-père avait gravé sur une vitre de sa maison des armoiries parlantes. » Et en l'occurrence, c'était un rat et un cygne. Alors, il a présenté ça. Et on lui a dit, ben, écoutez, vous êtes à Versailles, vous êtes à la cour du roi. Le cygne, tant que vous voulez, c'est blanc, c'est noble, c'est majestueux, c'est tout ce qu'on veut. Mais alors, le rat, par pitié, ne venez pas ici avec un rat. Bon. Donc, ça l'a vexé un peu. Il a écrit à sa sœur, d'ailleurs, en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... Que peut-on inventer ? Et finalement, ils ont pris la décision de supprimer le rat. Mais alors, je ne connais pas d'original de cette version rat et cygne. Par contre, le cygne lui-même, on le retrouve de façon cyclique, avec ses portraits, avec les portraits de sa famille, même sur les vitraux de l'église à côté. Hein, lorsqu'on voit un cygne ici, on sait tout de suite que c'est Racine. Alors que trouve-t-on dans ce musée Alain Arnault, ce musée Jean Racine en plein centre de la Ferté-Milon ? Parce que vous nous avez dit que bon finalement là, c'est l'emplacement, ça c'est sûr. Il a vécu à cet emplacement-là, mais qui n'est pas dans cette maison-là. C'était dans sa famille. Il n'y est pas né. Oui, mais la maison a brûlé, non ? Qu'est-ce qui s'est ? Non, bon, il y a eu un incendie comme il y en avait souvent au 19e siècle ou même au début 20e. Bon, il y a eu un incendie, c'était une échoppe un peu à l'abandon, et le rez-de-chaussée a brûlé. Donc la question s'est posée à la ville de savoir si ce qu'on faisait. Ça n'était pas encore musée, hein, c'était simplement une maison où Racine avait vécu. Et sur les conseils d'un architecte et puis du conseil municipal, on a pris la décision de créer un espace en rez-de-chaussée, remplaçant, on n'allait pas faire du faux 17e, donc on a remplacé par un ensemble, une présentation contemporaine, on va dire, mais beaucoup plus adaptée à un musée, avec des alvéoles, avec de grandes vitres, avec quelque chose de tout à fait présentable. Et par contre, nous avons conservé la cave de cette maison, qui, elle, n'avait pas été touchée, et dont on sait que Racine y a vécu. Il venait y jouer, se mettre à l'abri, éventuellement il y avait un accès au souterrain de la ville, car ces maisons communiquaient les unes avec les autres à travers ces galeries, et on sait que par la galerie intérieure, il pouvait communiquer avec d'autres maisons. Ça se faisait souvent dans l'ancien temps, on va dire. Vous n'avez pas réinventé, Alain Arnault, une fausse chambre de Jean Racine ? Non. La fausse cuisine, non. Tout ça. Non, pas s'attendre à ça, dans le musée. La tentation a existé à un moment, dans les années où c'était un peu la mode. On va faire du faux pour simuler du vrai. L'idée, en fait, n'a jamais été conservée. Il n'y a pas eu de consistance particulière, ni même de projet précis. On s'est dit, au moins, en faisant table rase, dans un milieu clair, fonctionnel, on va dire, pour un musée, on sera beaucoup plus à l'aise pour mettre à l'honneur, comme on le veut, Racine, et en particulier à travers ses statues. N'oublions pas qu'à la Ferté-Milon, à la fin de la Restauration, Louis XVIII, c'est l'époque où il a offert à une douzaine de villes de France des statues de leur grand homme, à chaque petite ville. Alors ça a été le cas, il l'a fait par exemple à Château-Thierry, il a fait une grande statue de La Fontaine qui est encore au centre-ville, et ici à la Ferté-Milon, il a demandé au sculpteur David d'Angers de réaliser, sans consigne particulière, de réaliser une statue symbolique de Racine. Et là tout était à faire, parce qu'il n'existait que des statues 17e ou 18e, et là, j'avoue que David d'Angers s'est un peu défoncé, je veux dire. Il est sorti un peu des normes. Et il nous a fait cette statue que vous connaissez sans doute, qui est d'abord largement plus grande que nature, puisqu'elle fait 2,50 m à peu près. Et surtout, c'est un homme... Presque nu. Presque nu. Pieds nus. Qui ne porte que deux attributs, on va dire. Une perruque, d'abord. Une fameuse perruque de Racine, qui est incontournable. Et puis un grand drap qui ressemble un peu à une toge à l'antique. À l'antique. Oui. Enfin, bon, on est au XVIIe et on est dans l'Antiquité aussi. Complètement. Enfin, l'Antiquité. Et puis l'inspiration racinienne était quand même là. Pour la petite histoire, je vous dirais que comme cette statue était posée devant l'ancienne mairie sur le pont de la Ferté-Milon qui voit passer l'Ourcq, les méchantes langues dès le XIXe siècle disaient voilà Racine qui sort de son bain avec son peignoir. Bon. Mais en fait, il est en train d'écrire, il a le stylet à la main, il a la liste de ses œuvres, et puis surtout, il a une physionomie qui réfléchit, qui est profonde, probablement une des plus belles que l'on connaisse du tragédien, et en même temps, elle est très simple. Et cette statue est restée au bord du trottoir, devant les mairies, depuis 1832, jusqu'à l'ouverture de ce musée en 1991. Inutile de vous dire que le marbre d'origine a passablement souffert, puisque des camions aujourd'hui, des 35 tonnes, passaient à 1,50 m de la statue. Bon, alors, la décision a été prise, en particulier lorsque le projet du musée a pris corps, on va dire, on va abriter cette statue, parce qu'il faut qu'on la garde, on va construire du musée autour. Et comme les plafonds ici n'étaient pas très hauts, on a surcreusé le sol de façon à être à hauteur de la statue. Voilà la belle histoire. Jean Racine le mérite quand même. Jean Racine le mérite largement, mais maintenant il est à la hauteur, je dirais, de ses admirateurs. Alors il y a aussi évidemment des vitrines, vous avez parlé du le baptême, enfin la preuve que Jean Racine a été baptisé un 22 décembre. Il y a aussi beaucoup de livres, enfin d'éditions de Racine, peut-être dans toutes les langues. Oui, alors ça fait c'était l'origine, la volonté des fondateurs d'origine, c'était de dire il ne suffit pas de trouver un manuscrit ou une gravure. Il faut aussi qu'on ait un genre de centre de documentation. Et ils ont commencé une bibliothèque qui, ma foi, est assez unique en son genre, puisqu'elle regroupe à l'heure actuelle, alors sur Racine et sur la ville, entre 700 et 800 ouvrages. Alors qui correspondent aussi à des éditions anciennes, qui correspondent à des études critiques, qui correspondent à la présentation de la ville et de son histoire, et de Racine, donc par voie de conséquence. Mais des traductions aussi. Et puis des traductions. Nous en avons en russe, nous en avons en japonais, nous en avons en hongrois, nous en avons, enfin, différentes langues, la plupart des langues européennes aussi. Et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, de voir à quel point les... Je ne sais pas si on peut parler de traducteurs ou d'adaptateurs, réussissent à conserver des alexandrins. En hongrois ou en italien, vous savez. Sont-ils de qualité ? Ah, ça, je ne suis mal placé pour juger. Mais enfin, d'une façon générale, on n'a pas eu de critiques de fond. De plaintes. Voilà. Finalement, ce musée, alors, il est unique en France, donc au monde, ça se trouve ? Alors, ça a été une grosse question qui s'est posée au fondateur, il y a donc presque 30 ans. C'est pas vous, Alain Arnault, vous n'êtes pas le fondateur du musée. Je ne suis pas le fondateur, non. Vous êtes le responsable, aujourd'hui, le responsable culturel oui, de ce musée. Oui, enfin bon, les fondateurs, je les ai connus, puisqu'ils sont décédés il y a quelques années. Et donc, je suis leur successeur direct. Mais en fait... ça a été la question. Ils se la sont posées. Il y avait un vieux monsieur. Il y avait un pharmacien, fils de pharmacien, petit-fils de pharmacien, etc. Lequel avait connu, non pas Racine, mais tous les grands raciniens du 19e. Et donc il était l'héritier de toute une science racinienne. Et il était en relation avec le monde racinien en général. Et puis il a été accompagné par un notable, on va dire, qui se passionnait pour ça et qui voulait absolument que l'affaire Thémilon enfin rende hommage à son fils. Et donc à eux deux, par différents moyens, ils ont regroupé tout ça. Il y avait des petites choses en mairie, il y en avait dans leur collection personnelle, il y en avait, etc. Et puis il y avait cette statue, qui était au fond un peu L'authenticité du XIXe siècle, mais en tout cas. Et puis en même temps, important. Le centre d'intérêt majeur. Hein, puisque cette statue, elle est indiquée dans tous les guides touristiques depuis la Restauration, depuis Louis-Philippe. Donc ça, c'est intéressant. Et la question s'est posée, donc, est-ce que nous avons des confrères ou des concurrents, quelque part, et qu'existe-t-il en l'honneur de Racine dans le monde? Et là, grosse surprise, c'est que y a rien. Enfin, rien, j'entends. Racine n'est pas oublié. À Uzès, comme vous dites, il y a une plaque, il y a une vitrine dans le musée. Oui, enfin, comme je dis, comme on en a parlé avant le début de l'enregistrement. Bon, il y a eu, à Port-Royal, bon, où Racine a quand même connu une certaine influence. À Port-Royal, vous avez une salle avec un portrait, avec deux, trois œuvres liées à Port-Royal, parce qu'il y en a chez Racine, bien sûr. Mais c'est pas vraiment. C'est une certaine période, une certaine physionomie, un certain aspect du personnage, de son œuvre. Et on s'est aperçu, et donc jusqu'à... Et puis alors à Paris. Rendez-vous compte que Paris, la ville lumière, n'a pas un lieu mémoire Racine. Il l'a à travers des plaques ou des statues. Sur le côté de la Comédie-Française, vous le connaissez sans doute, vous avez un bas-relief, fort poussiéreux d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même Racine. Sur le toit du Louvre, est-ce que vous savez qu'en face de la pyramide, donc dans la cour carrée du Louvre, vous savez, on voit de loin des statues de 3 mètres, 3 mètres 50, qui sont au bord du toit. C'était un peu le panthéon du Second Empire, si vous voulez. Eh bien, il y a Racine. Et ça n'est pas neutre non plus, puisque le Louvre, c'est là que se tenaient les séances de la première Académie française, celle que Racine a connue. Lorsque Richelieu fonde l'Académie française en 1635, donc un peu avant la naissance de Jean Racine, le roi met à la disposition de la nouvelle institution les appartements de sa mère. Avec des chaises. D'Autriche, avec des chaises, voilà. Pas de fauteuil. Et donc ça fait partie aussi des choses un peu curieuses. Mais est-ce qu'on a le fauteuil de Jean Racine à l'affaire Thémilon? Le vrai? Aïe. Ben, il n'a jamais connu le fauteuil. Et non, il n'a eu qu'une chaise. Et ses successeurs, alors, il y a eu les successeurs, c'était Crébillon père, Scribe, Simone Veil. Claudel. C'est le numéro combien, là? 13. Et comme vous dites, Simone Veil. Elle était présidente d'honneur chez nous. Elle n'a jamais pu venir, malheureusement. Mais pour nous, ce sont quand même des titres de gloire. Et puis surtout, ça crée un lien, si vous voulez, parce que les titulaires du 13e fauteuil, c'est un peu une chaîne mémoire. Même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf le fait d'avoir écrit de belles choses, c'est quand même assez curieux de voir que, après Racine, il a été suivi par Claudel, par Pierre Loti, par Mesmer, par des personnages un peu divers, mais en même temps fort connu. En tout cas, je soupçonne Alain Arnaud d'être très très très content qu'il n'y ait rien d'autre dans le monde entier, en tout cas pas à Port-Royal par exemple. C'est toujours un peu l'ennemi, Port-Royal, non? Non, je ne parlerai pas de rivalité, si vous voulez. C'est un peu la place de Port-Royal dans la vie de Racine lui-même. C'est qu'en fait, il a toujours été partagé entre son roi, le maître absolu. Louis XIV, c'était quand même le patron. et puis sa foi qui a été familialement très influencée par les messieurs de Port-Royal. Vous savez pourquoi ce lien avec Port-Royal, ici à La Ferté-Milon? Parce que lorsque l'abbé de Saint-Cyran a été embastillé par Mazarin, les messieurs ont été priés d'évacuer Port-Royal des Champs et de disparaître. Et trois d'entre eux sont venus se réfugier à La Ferté-Milon, où il y avait une famille qui était des cousins des Racines, la famille Vitard, et ils ont séjourné ici pendant un an, juste avant la naissance de Racine. C'est assez curieux aussi, et en même temps c'est très, très significatif. Et vous-même, Alain Arnaud, vous êtes un spécialiste de Racine. Comment vous avez étudié Racine enfant, adolescent? Vous avez été en faculté, vous avez étudié Racine, vous avez joué Racine. Quelle est votre relation personnelle avec Racine d'en être donc le directeur culturel du musée? Non, c'est un peu les hasards de la vie. Professionnellement, j'étais dans le tourisme culturel, donc déjà intéressé, un peu porté sur ce genre d'intérêt, mais pas spécialement Racine. Et puis surtout, habitant dans cette région depuis 45 ans, j'ai connu toute la gestation de cette recherche, de cette passion, de cette préoccupation du musée. J'étais très lié avec les fondateurs. Et lorsqu'ils ont commencé à décliner, à sentir qu'il faudrait bien passer la main un jour, ceci donc il y a 10 à 15 ans, ils m'ont sollicité, si vous voulez, parce qu'en fait, le problème, c'est aussi c'est que ça ne se bouscule pas. Les amateurs de Racine, déjà, ils le portent entre eux, mais c'est souvent un peu par connivence, on se récite, on échange un alexandrin, mais je veux dire, de là à assumer cette responsabilité culturelle majeure, et je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, il faut absolument, prendre ses distances, il faut se détacher un peu. Alors, j'ai étudié Racine comme tout un chacun dans mon lycée, etc. Toujours passionné de littérature française, mon épouse était professeure de français, enfin bon, il y avait un milieu favorable. Mais j'avoue que je me suis beaucoup investi dedans depuis ces dernières années. Et alors, vous relisez du Racine de temps en temps? Je relis du Racine, oui, absolument. Ah oui, parce que si, quand les visiteurs arrivent et vous posent une question très pointue sur un extrait de... Vous font parler de Reste, de Fête, d'Esther, de Bérénice, de Néron, des personnages. Vous êtes obligé de réagir au quart de tour, Alain Arnaud? Oui, mais vous savez, j'ai pas la prétention du je sais tout, hein, je ne suis pas là. Bon. Par contre, un musée, n'oublions pas qu'ici il y a 2500 habitants, c'est petit. On est à une heure de Paris. Donc nous avons des visiteurs, on en a plus d'un millier l'année dernière. Musée gratuit d'ailleurs, bon, on peut le dire. Et puis, où il y a surtout beaucoup de choses que les gens connaissent quelquefois de mémoire et pas du tout des visus. Donc nous avons un bon choix d'éditions anciennes, de gravures, de statues. Vous savez que lorsque La Ferté-Milon a voulu rendre hommage à Racine, un peu après le deuxième anniversaire de sa mort, le 200e, on s'est posé la question, c'était la fin du 19e, est-ce qu'on va faire une xème statue de Racine? Gros débat. Ça a alimenté le conseil municipal pendant un certain temps, jusqu'à une décision qui a été prise. Eh ben non, ici nous n'allons pas faire une statue de Racine, il y avait déjà celle de David d'Angers. Par contre, nous allons évoquer Racine telle que la ville l'a connue, c'est-à-dire un Racine enfant. Et c'est une statue dont nous avons une copie au musée, dont l'original est un peu plus haut, là près de l'église. C'est un jeune homme. Un beau jeune homme du 17e qui promet simplement, je veux dire, il ne porte pas la flamme du génie sur la tête, mais par contre, il tient à la main un livre. Et ça, c'est très important. le livre, c'est la transmission, c'est l'écriture, c'est la recherche littéraire. Et ça prend maintenant une autre forme, puisqu'il faut quand même l'évoquer. C'est que vous savez, nous sommes à moins de 10 kilomètres du château de Villers-Cotterêts. Ce château de Villers-Cotterêts, où François Ier a prononcé, ou écrit, ou promulgué plutôt, les fameuses ordonnances de 1539, pile un siècle avant la naissance de Jean, c'est peut-être un signe du destin. Toujours est-il que, comme vous le savez, ce château qui avait un peu dérivé vers maison de retraite, etc., vient d'être pris en main avec un magnifique projet de centre de la langue française et de la francophonie. Et tous nos auteurs régionaux, je pense à La Fontaine, je pense à Claudel, je pense à d'autres, et Racine bien sûr, et Dumas à Villers-Cotterêts, font partie des porteurs de cette vision francophone assez géniale qui va se tenir ici. Et donc je suis très attentif à ce que Racine ne soit pas oublié. Eh bien, le musée rend hommage à Jean Racine et donc participe beaucoup, Alain Arnaud, à cette reconnaissance de Racine. C'est un petit peu étrange quand même que vous, très très brièvement, vous dites finalement personne ne se précipite, comme ça on dirait que Jean Racine. Quand je vous ai téléphoné pour dire on va faire deux nuits Racine, vous dites oh, c'est extraordinaire, tiens c'est étrange quand même, c'est pas si étrange que ça. Racine, des siècles après on le lit, on l'interprète, on le voit partout. Non, justement non. Alors, ne faisons pas de parisianisme ou contre-parisianisme. Mais Racine n'est pas l'homme sans qui les Français ne pourraient pas vivre. Il est, malheureusement, il est un auteur majeur, il est notre génie, si vous voulez, mais n'oublions pas que la base, c'est quand même l'enseignement, et que l'éducation nationale ne favorise pas ce genre de choses. Bon, eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on écoute, on entend du Racine, et, voilà. Et c'est la deuxième nuit, et c'est formidable. Merci Alain Arnaud. Donc le musée Jean Racine, eh bien, c'est à la Ferté-Milon, on l'a compris, c'est ouvert tous les week-ends, et l'entrée est gratuite. Eh bien, la deuxième nuit Racine se poursuit avec l'écoute des plaideurs, donc, dont on parlait en début de nuit avec Mathilde Joanneau et Basile Adair, et puis on écoutera aussi des cours de Madame Simone, le songe d'Athalie, dans l'art du comédien à propos et pratiques, et on terminera avec un texte nu, une émission de Claude Santelli enregistrée au Festival d'Avignon en 1996, et Françoise Fabian lisait des extraits du Sur Racine de Roland Barthes.